Chapitre 2e. Le soleil qui se leva le surlendemain n'avait jamais contemplé un personnage plus pimpant que l'était M. Watkins Tuttle lorsqu'il s'arrêta devant le relais de Norwood. Jamais il n'avait éclairé en revanche un personnage qui se sentit plus guindé et plus mal à son aise lorsque la voiture publique s'arrêta devant un petit cottage assez semblable dans son cadre de verdure, un château de cartes que l'on aurait élevé sur une grande feuille de papier vert. La voiture fit halte et M. Watkins Tuttle sauta. « Mille excuses à M. Tuttle, mit pied à terre, avec dignité. »« Tout va bien, » dit-il, et la patache s'éloigna, gravissant la colline avec cette remarquable sérénité d'allure particulière aux voitures publiques. M. Watkins Tuttle s'approcha de la grille du jardin et effleura timidement la poignée de la cloche. Puis il essaya d'une plus vigoureuse secousse. Son anxiété ne s'apaisa guère lorsqu'il entendit la cloche résonner avec une énergie de tocsin. « Monsieur Parsons, est-il chez lui ?» demanda Tuttle à l'homme qui vint lui ouvrir. À peine pouvait-on s'entendre tant le timbre vibrait encore fortement. « Je suis ici !» cria joyeusement une voix du côté de la prairie. Là était en effet Monsieur Gabriel Parsons, vêtu d'une jaquette de flanelle, allant, venant, ventre à terre d'un wicket à deux hattes superposées, et des deux autres hattes au wicket, tandis qu'un autre monsieur en manche de chemise arpentait avec une impétuosité toute la surface de la propriété à la recherche d'une balle. Quand le monsieur en manche de chemise eut découvert ce qu'il cherchait, et cela ne lui demanda pas moins de 10 minutes, il revint, toujours courant, aux deux hattes, et Gabriel Parsons s'arrêta. Alors le monsieur en manche de chemise cria très fort « Jouez !» et il jeta la balle. Monsieur Gabriel Parsons la reçut, la renvoya à plusieurs yards et se remit à courir. Alors l'autre personnage visa le wicket et le manqua. M. Gabriel Parsons, ayant couru tout son sou, posa la maillotche et s'enfuit à son tour à la recherche de la balle qui s'était allée rouler dans les champs du voisinage. On appelle cela le cricket. « Voulez-vous rentrer, Tuttle ?» demanda M. Gabriel Parsons qui arrivait en essuyant la sueur dont son visage était couvert. M. Watkins Tuttle voulut éluder la proposition. La seule idée de l'accepter le mit en nage, plus encore que ne l'était son ami. « Nous ferons bien de rentrer, car il est 4 heures passées, » dit M. Gabriel Parsons. « J'ai d'ailleurs à me laver les mains avant le dîner. Ici, vous le savez, point de cérémonie. Timson, c'est Tuttle. Tuttle, c'est Timson. Élevé pour l'Église, qui j'en ai peur pour lui, ne l'élèvera jamais bien haut. » Et il rit aux éclats de cette plaisanterie centenaire. Le pasteur salua avec nonchalance. M. Watkins Tuttle salua avec raideur. M. Gabriel Parsons prit le chemin du logis. C'était un riche fabricant de sucre qui confondait volontiers la rudesse et l'honnêteté, la grossièreté et la franchise. Bien d'autres, avant Gabriel, les eut confondus de même. Mrs. Gabriel Parsons reçut le plus gracieusement du monde ses invités sur le seuil et les présida dans le salon. Sur le canapé, une dame était assise, tirée à 4 épingles, à peu de choses près, inanimée. C'était précisément une de ces personnes problématiques à propos de l'âge desquelles il est de toute impossibilité d'engager un pari tant soit peu fondé. Ses traits avaient pu être charmants, alors qu'elle était plus jeune, comme ils pouvaient avoir aussi été ce qu'ils étaient alors. Son teint, en dépit de quelques légères traces de poudre de riz, de ci, de là, était aussi clair que celui d'une parfaite poupée de cire. Son visage avait non moins d'expression. Elle était superbement vêtue et jouait du bout des doigts avec une montre d'or pour se donner une contenance. « Mademoiselle Lillerton, ma chère, voici notre ami, M. Watkins Tuttle. Une très vieille connaissance, je vous assure, » dit Mrs. Parsons en présentant le stréphone de Cecil Street, Strand. La dame se leva et fit une profonde révérence. M. Watkins Tuttle fit un salut sérieux-comique. « Quelle splendide et majestueuse créature !» pensa Watkins Tuttle, auquel Miss Lillerton venait d'apparaître comme le beau idéal de la femme. M. Timson se rapprocha et dès ce moment, M. Watkins Tuttle se mit à le haïr. L'homme découvre instinctivement ses rivaux. M. Watkins Tuttle sentit que sa haine n'était que trop fondée. « M'est-il permis, » dit le révérend personnage, « m'est-il permis d'implorer de vous, Miss Lillerton, quelque insignifiante aumône en faveur de l'association charitable que je viens de fonder. Nous distribuons spécialement aux malheureux des bouillons, du charbon et des couvertures. » « Veuillez m'inscrire pour 2 guinées, je vous prie, » répondit Miss Lillerton. « Vous êtes la charité en personne, madame, » s'écria le révérend M. Timson, « et chacun sait que la charité rachète bien des fautes. Permettez-moi de vous assurer que je n'y passe là dans la pensée que vous en avez à vous faire pardonner. Vous pouvez me croire lorsque j'affirme que jamais encore je n'ai rencontré personne qui eût moins à expier que Miss Lillerton. » En recevant ce compliment, quelque chose comme une mauvaise imitation d'animation éclaira le visage de la dame. M. Watkins Tuttle commit le péché de souhaiter que les cendres du révérend Charles Timson fussent paisiblement déposées à la place qui leur était due dans le cimetière de la paroisse. « À vous parler franchement, » interrompit Parsons, qui venait d'entrer avec les mains propres et un habit noir, « c'est ma conviction intime que votre association charitable est tout simplement un puff. » Vous êtes dur, » reprit avec un sourire de cafard Timson, qui détestait Parsons tout en goûtant fort ses dîners. « Absolument injuste, » dit Miss Lillerton. « Assurément, » ajouta Tuttle. La dame leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent. Elle détourna le sien avec une douce confusion. M. Watkins Tuttle en fit autant. « À quoi bon, je vous le demande, » reprit M. Parsons, « donner du charbon à celui qui n'a rien à mettre dans sa marmite, une couverture à celui qui n'a pas de lit, du bouillon à celui qui a besoin d'aliments substantiels. Autant faire présent de manchettes à des malheureux qui manquent de chemise. Pourquoi ne pas leur donner tout simplement un peu d'argent, comme je le fais, lorsque je pense qu'ils en ont besoin, et leur laisser choisir ce qui leur est le plus nécessaire. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, vos souscripteurs ne verraient pas leur nom s'épanouir imprimé à la porte de l'église. Voilà pourquoi. » En vérité, M. Parsons, j'espère que votre intention n'est pas d'insinuer que je désire voir mon nom imprimé sur la porte de l'église, s'écria Miss Lillerton. Je l'espère, dit M. Watkins Tuttle, risquant une nouvelle parole et recueillant un nouveau regard. Assurément non, répondit M. Parsons. Je parierais bien, par exemple, qu'il ne vous serait pas aussi indifférent de le voir écrit sur le registre que sur la porte de l'église, hein? Le registre? Quel registre? Demanda la dame avec beaucoup de gravité. Parbleu, le registre des mariages, cela va de soi, reprit Parsons, riant de sa plaisanterie et regardant Tuttle du coin de l'œil. M. Watkins Tuttle se sentit défaillir de honte, et il est impossible de prévoir quel effet cette saillie eût produit sur la dame effarouchée si l'on n'eût pas annoncé le dîner. M. Watkins Tuttle, avec un effort de galanterie sans précédent, offrit l'extrémité de son petit doigt à Miss Lillerton, qu'il accepta gracieusement avec une modestie toute virginale. Puis ils passèrent dans la salle à manger où ils furent bientôt installés côte à côte. La pièce était petite mais favorable aux épanchements intimes. Le dîner était excellent. Les convives étaient de bonne humeur. La conversation ne tarda pas à devenir générale. Aussi, après qu'il eut extirpé à sa voisine une ou deux maigres réponses et trinque avec elle, M. Watkins Tuttle commença-t-il à prendre confiance. On enleva la nappe. Mrs. Parsons avala 4 verres de porto sous le prétexte qu'elle nourrissait, et Miss Lillerton finit par en avaler à peu près autant de gorgées, tout en protestant qu'elle n'en avait aucun besoin. Les dames finirent par se retirer à la grande joie de M. Parsons, qui pour rater ce moment avait pendant plus d'une demi-heure toussé et grogné, signaux que la maîtresse du logis n'apercevait jamais avant qu'elle n'eût absorbé son quantum, ce qu'elle faisait généralement en une fois afin d'épargner un trop long dérangement à ses hôtes. « Eh bien, qu'en pensez-vous ? » demanda à voix basse M. Gabriel Parsons à M. Watkins Tuttle. « J'en suis déjà tout enthousiasmé. » « Messieurs, je vous en prie, portons la santé des dames, » proposa le révérend M. Timson. « Aux dames !» s'écria M. Watkins Tuttle en vidant son verre. Dans son ardeur, il se sentait capable d'aimer 12 de femmes sur le champ. « Ah !» soupira M. Gabriel Parsons. « Je me rappelle que lorsque j'étais plus jeune, remplissez votre verre, Timson. Je viens précisément de le vider. Remplissez-le de nouveau. Volontiers !» dit Timson, ajustant l'acte aux paroles. « Je me rappelle, » reprit M. Gabriel Parsons, « lorsque j'étais plus jeune, quel singulier mélange de sentiments m'animait chaque fois que je portais ce toast, et avec quelle conviction je proclamais que toutes les femmes étaient des anges, des êtres vraiment supérieurs. « Était-ce avant votre mariage ?» demanda doucement M. Watkins Tuttle. « Oh, certainement, » reprit M. Gabriel Parsons. « cette pensée ne m'est plus jamais venue depuis. Quelle poule mouillée j'ai dû être pour avoir de pareilles idées. Mais, comme vous le savez, j'épousais Fanny dans les circonstances les plus déplorables et les plus ridicules du monde. Lesquelles, si toutefois cela peut se demander ? Hasarda Timson, qui avait entendu ce récit 2 fois par semaine pour le moins depuis 6 mois. M. Watkins Tuttle écouta avec recueillement, dans l'espoir de récolter quelque inspiration qui peut venir en aide à sa nouvelle entreprise. « J'ai passé ma première nuit de noces dans une cheminée de buanderie, » dit Parsons en manière d'exorde. « Dans une cheminée de buanderie ?» s'écria Watkins Tuttle. « Voilà qui est terrible !»